Première journée, chapitre 4. Comme le train s'ébranlait, la portière se rouvrit et un employé poussa une fillette de 14 ans dans le compartiment où étaient Marie et Pierre. « Tenez, il y a une place, dépêchez-vous !» Déjà, les faces s'allongeaient, on allait protester. Mais sœur Hyacinthe s'était écriée « Comment, c'est vous, Sophie? Vous revenez donc voir la Sainte Vierge qui vous a guéri l'année dernière ?» Et madame de Jonquière disait en même temps « Ah, ma petite amie Sophie, c'est très bien d'avoir de la reconnaissance. »« Mais oui, ma sœur, mais oui, madame, » répondit gentiment la fillette. D'ailleurs, la portière s'était refermée et il fallait bien accepter cette nouvelle pèlerine comme tombée du ciel au moment où partait le train, qu'elle avait failli manquer. Elle était mince, elle ne tiendrait pas beaucoup de place. Puis ces dames la connaissaient. Tous les yeux des malades s'étaient fixés sur elle en entendant dire que la Sainte Vierge l'avait guérie. Mais on était sorti de la gare. La machine soufflait dans le branle croissant des roues et sœur Hyacinthe répéta en tapant dans ses mains « Allons, allons, mes enfants, le Magnificat !» Pendant que le chant d'allégresse montait au milieu des secousses, Pierre regardait Sophie. C'était visiblement une petite paysanne, une fille de cultivateur pauvre des environs de Poitiers, que ses parents gâtaient et traitaient en demoiselle depuis qu'elle était une miraculée, une élue que les curés de l'arrondissement venaient voir. Elle avait un chapeau de paille avec des rubans roses, une robe de laine grise garnie d'un volant. Et sa figure ronde n'était pas jolie, mais aimable, très fraîche, éclairée par de clairs yeux futés qui lui donnaient un air souriant et modeste. Lorsqu'on eut fini le Magnificat, Pierre ne put résister au désir de questionner Sophie. Une enfant de cet âge, d'une apparence si candide et qui ne semblait pas être une menteuse, cela l'intéressait vivement. « Alors, mon enfant, vous avez failli manquer le train. »« Oh, monsieur l'abbé, j'en aurais été bien confuse. » J'étais à la gare depuis midi, et voilà que j'ai aperçu monsieur le curé de Sainte-Radegonde, qui me connaît bien et qui m'a appelé pour m'embrasser, en me disant que j'étais une bonne petite fille de retourner à Londres. Alors, il paraît que le train partait, et je n'ai eu que le temps de courir. Oh, j'ai couru !» Elle riait encore un peu essoufflée, avec le repentir pourtant d'avoir été sur le point de commettre une faute d'étourderie. « Et comment vous appelez-vous, mon enfant ?»« Sophie Couteau, monsieur l'abbé. »« Vous n'êtes pas de Poitiers, même. »« Non, bien sûr, nous sommes de Vivonne, à 7 kilomètres. Mon père et ma mère ont un peu de bien, et ça n'irait tout de même pas mal, s'il n'y avait pas 8 enfants à la maison. Moi, je suis la 5e. Heureusement que les 4 premiers commencent à travailler. »« Et vous, mon enfant, qu'est-ce que vous faites ?» « Moi, oh, monsieur l'abbé, je ne suis pas de grand secours. Depuis l'année dernière, depuis que je suis rentrée guérie, on ne m'a pas laissé un jour tranquille, parce que, vous comprenez, on est venu me voir. On m'a menée chez Monseigneur, et puis dans les couvents, et puis partout. Et avant ça, j'ai été longtemps malade. Je ne pouvais marcher sans un bâton. Je criais à chaque pas, tant mon pied me faisait du mal. » « Alors, c'est d'un mal au pied que la Sainte Vierge vous a guéri. » Sophie n'eut pas le temps de répondre. Sœur Hyacinthe, qui écoutait, intervint. « D'une carie des os du talon gauche datant de 3 ans, le pied était gonflé, déformé, et il y avait des fistules donnant issue à une suppuration continuelle. » Du coup, tous les malades du wagon commencèrent à se passionner. Il ne quittait plus des yeux la miraculée. Il cherchait en elle le prodige. Ceux qui pouvaient se mettre debout se levaient pour la mieux voir. Et les autres, les infirmes allongés sur des matelas, tâchaient de se hausser et de tourner la tête. Dans la souffrance qui venait de les reprendre au départ de Poitiers, terrifiés par les 15 heures qu'ils avaient à rouler encore, l'arrivée brusque de cet enfant, élu par le ciel, était comme un soulagement divin, le rayon d'espoir où il puiserait la force d'aller jusqu'au bout du voyage. Déjà, les plaintes cessaient un peu, et toutes les faces se tendaient dans le besoin ardent de croire. Marie, surtout, ranimée, soulevée à demi, joignit ses mains tremblantes, supplia doucement Pierre. « Je vous en prie, questionnez-la, demandez-lui de tout nous dire. Guéris, mon Dieu, guéris d'un mal si affreux. » Madame de Jonquière, émue, s'était penchée pour embrasser l'enfant, par-dessus la cloison. « Certainement, notre petite amie va nous dire. N'est-ce pas, ma mignonne, que vous allez nous raconter ce que la Sainte Vierge a fait pour vous ?»« Oh, bien sûr, madame, tant que vous voudrez. » Et elle avait son air souriant et modeste, avec ses yeux luisants d'intelligence. Tout de suite, elle voulut commencer, en levant sa main droite en l'air, dans un geste gentil qui commandait l'attention. Évidemment, elle avait pris déjà l'habitude du public. Mais on ne la voyait pas de toutes les pièces du wagon. Et sœur Hyacinthe eut une idée. « Montez sur la banquette, Sophie, et parlez un peu fort à cause du bruit. » Cela l'amusa. Elle dut retrouver son sérieux pour commencer. Alors, comme ça, mon pied était perdu. Je ne pouvais seulement plus me rendre à l'église, et il fallait toujours l'envelopper dans du linge, parce qu'il coulait des choses qui n'étaient guère propres. Monsieur Rivoire, le médecin, qui avait fait une coupure pour voir dedans, disait qu'il serait forcé d'enlever un morceau de l'os, ce qui m'aurait sûrement rendue boiteuse. Et alors, après avoir bien prié la Sainte Vierge, je suis allée tremper mon pied dans l'eau, avec une si bonne envie de guérir que je n'ai pas même pris le temps d'enlever le linge. Et alors, tout est resté dans l'eau. Mon pied n'avait plus rien du tout quand je l'ai sorti. Un murmure s'éleva et courut, fait de surprise, d'émerveillement et de désir, à ce beau conte prodigieux, si doux au désespéré. Mais la petite n'avait pas fini. Elle prit un temps, puis termina, avec un nouveau geste, les deux bras un peu écartés. À Vivonne, quand Monsieur Rivoire a revu mon pied, il a dit « Que ce soit le bon Dieu ou le diable qui ait guéri cet enfant, ça m'est égal, mais la vérité est qu'elle est guérie. » Cette fois, des rires éclatèrent. Elle récitait trop, ayant tant de fois répété son histoire qu'elle la savait par cœur. Le mot du médecin était d'un effet sûr. Elle en riait elle-même d'avance, certaine qu'on allait rire. Et elle restait ingénue et touchante. Cependant, elle devait avoir oublié un détail, car sœur Hyacinthe, qui avait annoncé d'un coup d'œil à l'auditoire le mot du docteur, lui souffla doucement « Sophie, et votre mot à madame la comtesse, la directrice de votre salle. » « Ah oui, je n'avais pas emporté beaucoup de linge pour mon pied, et je lui ai dit « La Sainte Vierge a été bien bonne de me guérir le premier jour, car le lendemain, ma provision allait être épuisée. » De nouveau, ce fut une joie. On la trouvait si gentille d'avoir été guérie ainsi. Elle dut encore, sur une question de madame de Jonquière, raconter l'histoire des bottines, de belles bottines, toutes neuves, que madame la comtesse lui avait données, et avec lesquelles, ravie, elle avait couru, sauté, dansé. Songez donc, des bottines, elle qui, depuis 3 ans, ne pouvait pas mettre une pantoufle. Devenue grave, pâlie par le sourd malaise qui l'envahissait, Pierre continuait à la regarder, et il lui adressa d'autres questions. Elle ne mentait décidément pas, il soupçonnait seulement en elle une lente déformation de la vérité, un embellissement bien inexplicable dans sa joie d'avoir été soulagée et d'être devenue une petite personne d'importance. Qui savait maintenant si la prétendue cicatrisation instantanée, complète en quelques secondes, n'avait pas mis des jours à se produire. Où étaient les témoins? « J'étais là, » racontait justement madame de Jonquière. Elle ne se trouvait pas dans ma salle, mais je l'avais rencontrée le matin même qui boitait. » Vivement, Pierre l'interrompit. « Ah, vous avez vu son pied, avant et après l'immersion. » « Non, non, je ne crois pas que personne ait pu le voir, car il était enveloppé de compresses. Elle vous a dit elle-même que les compresses étaient tombées dans la piscine. » Et se tournant vers l'enfant, « Mais elle va vous le montrer, son pied, n'est-ce pas, Sophie? Défaites votre soulier. » Celle-ci, déjà, ôtait son soulier, retirait son bas, avec une promptitude et une aisance qui montraient la grande habitude qu'elle en avait prise. Et elle allongea son pied, très propre, très blanc, soigné même, avec des ongles roses bien coupés, le tournant d'un air de complaisance pour que le prêtre pût l'examiner commodément. Il y avait là, au-dessous de la cheville, une longue cicatrice dont la couture blanchâtre, très nette, témoignait de la gravité du mal. « Oh, monsieur l'abbé, prenez le talon, serrez-le de toutes vos forces, je ne sens plus rien !» Pierre eut un geste, et l'on put croire que le pouvoir de la Sainte Vierge le ravissait. Il restait inquiet dans son doute. Quelle force ignorée avait agi? Ou plutôt, quel faux diagnostic du médecin, quel concours d'erreurs et d'exagérations avait abouti à ce beau conte? Mais les malades voulaient tous voir le pied miraculeux, cette preuve visible de la guérison divine qu'ils allaient tous chercher. Et ce fut Marie, la première, qui le toucha, assise sur son séant, souffrant déjà moins. Puis Madame Maze, tirée de sa mélancolie, le passa à Madame Vincent, qui l'aurait baisé pour l'espoir qu'il lui rendait. Monsieur Sabatier avait écouté d'un air béat. Madame Vêtu, la Grivotte, le frère Isidore lui-même rouvraient les yeux, s'intéressaient. Et la face d'Élise Rouquet était devenue extraordinaire, transfigurée par la foi, presque belle. Une plaie ainsi disparue, n'était-ce pas sa plaie à elle, fermée, effacée, son visage ne gardant qu'une faible cicatrice, redevenant le visage de tout le monde? Sophie, toujours debout, devait se tenir à une des tringles de fer et poser son pied sur le bord de la cloison, à gauche, à droite, sans se lasser, très heureuse et très fière des exclamations qu'on poussait, de l'admiration frémissante et du religieux respect qu'on témoignait à ce petit bout de sa personne, à ce petit pied qui était comme sacré maintenant. « Il faut sans doute une grande foi, » pensa Marie tout haut. « Il faut avoir l'âme toute blanche. » Et s'adressant à Monsieur de Guersin, « Père, je sens que je guérirai, si j'avais 10 ans, si j'avais l'âme toute blanche d'une petite fille. » « Mais tu as 10 ans, ma chérie, n'est-ce pas, Pierre, que les fillettes de 10 ans n'ont pas une âme plus blanche ?» Lui, avec son esprit chimérique, adorait les histoires de miracles. Et le prêtre, profondément ému par l'ardente pureté de la jeune fille, ne chercha pas à discuter. La laissa s'abandonner au souffle de consolantes illusions qui passaient. Depuis le départ de Poitiers, le temps était plus lourd, un orage montait dans le ciel de cuivre, et il semblait que le train roulât au travers d'une fournaise. Les villages défilaient, mornes et déserts, sous le brûlant soleil. À Couévérac, on avait redit le chapelet, puis chanté un cantique. Mais les exercices de piété se ralentissaient un peu. Sœur Hyacinthe, qui n'avait pu déjeuner encore, s'était décidée à manger vivement un petit pain avec des fruits, tout en continuant à soigner l'homme, dont le souffle pénible paraissait plus régulier depuis un instant. Et ce fut seulement à Ruffec, à 3 heures, qu'on récita les vêpres de la Sainte Vierge. « Ora pro nobis sancta dei genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. » Comme on finissait, M. Sabatier, qui avait regardé la petite Sophie remettre son bas et son soulier, se tourna vers monsieur de Guersin. « Sans doute, le cas de cet enfant est intéressant. Mais ce n'est rien, monsieur, il y a bien plus fort que cela. Connaissez-vous l'histoire de Pierre de Rudé, un ouvrier belge ?» Tout le monde s'était remis à écouter. Cet homme avait eu la jambe cassée par la chute d'un arbre. Après 8 ans, les 2 fragments de l'os ne s'étaient pas soudés. On voyait les 2 bouts au fond d'une plaie, en continuelle suppuration. Et la jambe molle pendait, allait dans tous les sens. Eh bien, il lui a suffi de boire 1 verre de l'eau miraculeuse, sa jambe a été refaite d'un coup, et il a pu marcher, sans béquille. Et le médecin le lui a bien dit, « Votre jambe est comme celle d'un enfant qui vient de naître. » Parfaitement, une jambe toute neuve. Personne ne parla. Il n'y eut qu'un échange de regards extasiés. Et tenez, continua M. Sabatier, c'est comme l'histoire de Louis Bourriette, un carrier, un des premiers miracles de Lourdes. La connaissez-vous? Il avait été blessé dans une explosion de mine. L'œil droit était complètement perdu. Il se trouvait même menacé de perdre l'œil gauche. Or, un jour, il envoya sa fille prendre une bouteille de l'eau boueuse de la source, qui jaillissait à peine. Puis, il lava son œil avec cette boue. Il pria ardemment. Et il jeta un cri. Il voyait, monsieur, il voyait aussi bien que vous et moi. Le médecin qui le soignait en a écrit un récit circonstancié. Il n'y a pas le moindre doute à avoir. « C'est merveilleux !» murmura M. de Guersin, ravi. « Voulez-vous un autre exemple, monsieur ? Il est célèbre, c'est celui de François Macari, le menuisier de Lavaure. Depuis 18 ans, il avait, à la partie interne de la jambe gauche, un ulcère variqueux, profond, accompagné d'un engorgement considérable des tissus. Il ne pouvait plus bouger. La science le condamnait à une infirmité perpétuelle. Et le voilà, un soir, qui s'enferme avec une bouteille d'eau de Lourdes. Il ôte ses bandages, il se lave les 2 jambes, il boit le reste de la bouteille. Puis, il se couche, s'endort. Et quand il se réveille, il se tâte, regarde. Plus rien, l'avarice, les ulcères, tout avait disparu. La peau du genou, monsieur, était redevenue aussi lisse, aussi fraîche qu'elle devait l'être à 20 ans. Cette fois, il y eut une explosion de surprise et d'admiration. Les malades et les pèlerins entraient dans le pays enchanté du miracle, où l'impossible se réalise au coude de chaque sentier, où l'on marche à l'aise de prodige en prodige. Et chacun d'eux avait son histoire à dire, brûlant d'apporter sa preuve, d'appuyer sa foi et son espoir d'un exemple. Madame Maz, la silencieuse, fut emportée jusqu'à parler la première. « Moi, j'ai une amie qui a connu la veuve Rizan, cette dame dont la guérison a fait aussi tant de bruit. Depuis 24 ans, elle était paralysée de tout le côté gauche. » Elle rendait ce qu'elle mangeait, elle n'était plus qu'une masse inerte qu'on retournait dans le lit, et à la longue, le frottement des draps lui avait usé la peau. Un soir, le médecin annonça qu'elle mourrait avant le jour. 2 heures plus tard, elle sortit de sa torpeur en demandant d'une voix faible à sa fille d'aller lui chercher un verre d'eau de Lourdes chez une voisine. Mais le lendemain matin seulement, elle put avoir ce verre d'eau. Elle cria « Oh, ma fille, c'est la vie que je bois. Lave-moi le visage, le bras, la jambe, tout le corps. » Et à mesure que l'enfant lui obéissait, elle voyait l'enflure énorme s'affaisser, les membres paralysés reprendre leur souplesse et leur aspect naturel. Ce n'est pas tout. Madame Rizan criait qu'elle était guérie, qu'elle avait faim, qu'elle voulait du pain et de la viande. Elle qui n'en avait pas mangé depuis 24 ans. Et elle se leva, et elle s'habilla, pendant que sa fille répondait aux voisines qui la croyaient orpheline, en la voyant bouleversée. « Non, non, maman n'est pas morte, elle est ressuscitée !» Des larmes étaient montées aux yeux de Madame Vincent. Mon Dieu, si elle avait pu voir Rose se relever ainsi et manger de bon appétit et courir. Un autre cas, celui d'une jeune fille qu'on lui avait contée à Paris et qui était pour beaucoup dans sa décision de mener à Lourdes sa petite malade, lui revint à la mémoire. Moi aussi, je connais l'histoire d'une paralytique, Lucie Druon, la pensionnaire d'un orphelinat, toute jeune encore, qui ne pouvait plus même s'agenouiller. Ses membres s'étaient tordus en cerceau. Sa jambe droite, plus courte, avait fini par s'enrouler autour de la gauche. Et quand une de ses camarades la portait, on voyait ses pieds, comme morts, se balancer dans le vide. Remarquez qu'elle n'est pas allée à Lourdes. Elle a fait simplement une neuvaine. Mais elle a jeûné pendant les 9 jours. Et son désir de guérir était si grand qu'elle passait les nuits en prière. Enfin, le 9e jour, comme elle buvait un peu d'eau de Lourdes, elle eut dans les jambes une violente commotion. Elle se leva, retomba, se releva et marcha. Toutes ses compagnes, étonnées, presque effrayées, criaient « Lucie marche ! Lucie marche !» Et c'était vrai, ses jambes étaient redevenues en quelques secondes droite, saine et forte. Elle traversa la cour, put monter à la chapelle où toute la communauté, transportée de reconnaissance, chanta le Magnificat. Ah, la chère enfant, elle devait être heureuse, bien heureuse. Deux larmes achevèrent de couler de ses joues sur le visage pâle de sa fille qu'elle baisa éperdument. Mais l'intérêt grandissait toujours. La joie ravie de ces beaux contes, où le ciel à tout coup triomphait des réalités humaines, exaltait ces âmes d'enfants, au point que les plus malades se redressaient à leur tour et retrouvaient la parole. Et derrière le récit de chacun, il y avait la préoccupation de son mal, la confiance qu'il guérirait, puisqu'une maladie identique s'était effacée comme un vilain songe au souffle divin. Ah, bégaya Madame Vêtu, la bouche empâtée de souffrance. Il y en avait une, Antoinette Tardivelle, dont l'estomac était dévoré comme le mien. On aurait dit que des chiens le lui mangeaient, et il devenait parfois plus gros que la tête d'un enfant. Des tumeurs y poussaient, pareilles à des œufs de poule, si bien que pendant 8 mois, elle avait vomi du sang. Elle aussi allait expirer, la peau collée sur les os, mourant de faim. Lorsqu'elle but de l'eau de Lourdes et s'en fit laver le creux de l'estomac. 3 minutes après, son médecin qui l'avait quittée, la veille agonisante, sans souffle, la trouva levée, assise au coin de son feu, se régalant avec appétit d'une aile de poulet bien tendre. Elle n'avait plus de tumeur, elle riait, comme à 20 ans. Son visage venait de reprendre l'éclat de la jeunesse. Ah, mangez ce qui vous plaît, redevenir jeune, ne plus souffrir. Et la guérison de sœur Julienne, dit la Grivotte, qui se releva sur un coude, les yeux brillants de fièvre. Ça l'avait prise par un mauvais rhume, comme moi. Puis elle s'était mise à cracher le sang. Tous les soirs, elle retombait. Il lui fallait reprendre le lit. La dernière fois, on avait bien vu qu'elle y resterait. Vainement, on avait essayé de tous les remèdes, l'iode, les vésicatoires, les pointes de feu. Enfin, une vraie phtisique, celle-là, que 6 médecins avaient reconnue comme telle. Bon, la voilà qui vient à Lourdes. Et Dieu sait au milieu de quelle souffrance, à tel point qu'à Toulouse, on crut un instant qu'elle passait. Les sœurs la portaient dans leurs bras. À la piscine, les dames hospitalières ne voulaient pas la baigner. C'était une morte. Eh bien, on l'a déshabillée, on l'a plongée sans connaissance et toute couverte de sueur. On l'a retirée si pâle qu'on l'a déposée par terre en pensant que c'était bien fini cette fois. Brusquement, ses joues se sont colorées, ses yeux se sont ouverts. Elle a respiré fortement. Elle était guérie. Elle s'est rhabillée seule et elle a fait un bon repas après être allée à la grotte remercier la Sainte Vierge. Hein? On ne peut pas dire. En voilà une de phtisique. Et guérie radicalement, comme avec la main.